Souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 7. Les dîners de la cave. Mes convives de la cave, Apollinaire et Jarret, mes palmes académiques. Une cloison séparait en deux la cave de mon magasin de la rue Lafitte. Une partie, aérée par le soupirail, avait été choisie pour en faire la cuisine. L'autre me servait de salle à manger. Dans celle-ci, qui était sans aucune communication avec le dehors, la chaleur se condensait en humidité. Renoir, qui un soir dînait avec moi, me dit en reprenant sa canne qu'il avait posée contre le mur « Il y a donc une fuite d'eau chez vous ?»« Une fuite d'eau ? Où ça ? Regardez ma canne, elle est toute mouillée !» Si peu confortable qu'elle fût, ma cave ne décourageait pas les invités. J'ai souvent entendu dire, et j'ai même lu dans des journaux étrangers, qu'on y mangeait fort bien. Le menu consistait principalement en un plat, dont j'étais quelque peu fière. Le carry de poulet, le plat national de la Réunion. J'ai eu l'occasion par la suite de manger de ce plat chez des compatriotes, et je dois reconnaître que ma réputation sur ce point était usurpée. Mais quel convive au dîner de la cave! Ils s'appelaient Cézanne, Renoir, Forain, Degas, Odilon Redon, Léon Dierx, Eugène Lautier, et je ne cite que des disparus. Un souvenir amusant à ce propos. Une étrangère avait entendu vanter la cave par le comte Kessler qui y avait dîné. Cette dame, venant d'Allemagne pour faire un séjour à Paris, avait inscrit sur son mémorandum « Souper à la cave Volard ». Elle avait cru qu'il s'agissait d'une boîte de nuit. À la vérité, il est arrivé à la cave de n'avoir rien à envier à un cabaret montmartrois. Un soir, notamment, j'eus parmi mes convives une aimable femme qui venait de publier un volume de vers. Après dîner, et non sans s'être fait prier par un voisin complaisant, elle se leva et déclama un poème après lequel il fut bien évident que tout le volume y passerait, à moins d'événement imprévu. Par bonheur, l'événement se produisit. Pendant que la poétesse débitait ses vers, ma chatte qui, juchée sur un meuble, allaitait son petit, avait montré des signes d'énervement. La dame, à un moment donné, s'étant tue, la chatte rassurée s'était remise à lécher son chaton. Hélas, la diseuse ne resta pas longtemps silencieuse. Mais, à peine avait-elle de nouveau ouvert la bouche, que la chatte se précipita, toute griffe dehors, sur la poétesse qui, ce soir-là, ne déclama pas plus avant. Un de mes invités m'avait demandé à être placé à côté de Léon Dierx. « J'adore les vers, » m'avait-il dit, « et comme je serais heureux de converser avec un favori des muses. » Quand notre récitante se tut, le voisin de Dierx s'adressant au poète, « Impossible de me rappeler si les vers que nous venons d'entendre sont de Lamartine ou de Victor Hugo. « Vous n'avez pas plutôt pensé à Mallarmé ?» suggéra Dierx. « Mallarmé ?» fit l'autre. « On m'avait dit qu'il était incompréhensible sans une préparation. » Et, avec une sorte de fierté, il ajouta « Qui m'aurait dit que j'arriverais d'emblée à comprendre du Mallarmé ?» À ce moment, la voisine de Dierx se pencha vers lui. « Que ce doit être excitant, l'amour d'un poète ?» Entendre la musique des vers pendant que l'on perd conscience de tout. « Oh, maître, vous souvenez-vous de la première femme que vous avez aimée ?»« C'était une vieille négresse dans un champ de cannes à sucre, » répondit placidement Dierx. Ce même soir, j'avais invité un colonel en retraite. Quelques instants avant l'heure du dîner, il était venu s'excuser de ne pouvoir être des nôtres car la santé de sa femme lui donnait de graves inquiétudes. Je crus devoir insister quelque peu, et, en fin de compte, il se détermina à rester. Près d'un homme hanté de pensées tristes, il fallait mettre une femme gaie. J'avais justement à dîner, ce soir-là, une jeune dame très allante. Je l'appareillais à l'époux affligé. Pendant le potage, le colonel demeura taciturne. Mais, après le premier plat, il parut s'intéresser à sa voisine, et, au dessert, il lui faisait une cour pressante. Non loin d'elle se trouvait un de ses amis dont le patronyme était un simple prénom par lequel la dame l'interpellait familièrement. Cela trompa le colonel, qui se persuada que c'était le mari. Dès lors, il n'y eut pas d'attention dont il ne fut prodigue à l'égard du monsieur. Quand on se leva de table, il s'approcha de lui et il multiplia les démonstrations de sympathie, insistant même pour qu'il vînt faire chez lui l'ouverture de la chasse. L'autre remerciait poliment. Et alors, le galant colonel à la dame, « Je crois que j'ai fait la conquête de votre mari. Vous connaissez mon mari ? Je viens de causer avec lui, c'est un homme charmant. Mais il est à Marseille, mon mari, je prends le train demain pour le rejoindre. » Et le colonel, tout déconfit, « Il faut que j'aille retrouver ma pauvre femme. » J'ai toujours apprécié l'utilité d'être marié. Quand on vous propose une chose qui vous embête, ma femme ne veut pas. Cette fois-là, ayant brûlé toute sa poudre au moineau, si j'ose dire, le colonel pouvait s'en aller correctement sur un « ma femme m'attend ». Je dois dire que c'était le dernier service que celle-ci devait lui rendre. Peu de temps après, cet époux modèle devenait veuf. À son plus grand dommage, du reste, car, n'ayant plus personne pour le retenir, le vieux soldat se mit à faire le jeune homme, et il retomba rapidement en enfance. Encore qu'on n'entra pas dans la cave tout à fait comme dans un moulin, il m'arrivait, quand on me disait « Présentez-moi donc à ce monsieur ou à cette dame », de répondre « Je ne sais pas qui les a amenés, je cherche à me rappeler le nom qu'on m'a dit ». Un nom, par contre, que je n'ai pas oublié, c'est celui de la sœur Marie-Louise, que je me sentais très honorée de présenter à mes invités. J'appris, un beau jour, qu'elle n'avait plus le droit de porter l'habit religieux, depuis qu'on l'avait renvoyée de sa communauté, à cause du goût invincible qu'elle avait pour les liqueurs fortes. Comme je m'excusais auprès de Renoir de l'avoir mise en rapport avec une fausse nonne, « Quand je vais quelque part, Volard, je peux dire que je sais à l'avance qui je rencontrerai et de quoi l'on parlera. Chez vous, au moins, il y a de l'imprévu. » À l'un des dîners de la cave, une aimable septuagénaire m'avait dit combien elle serait heureuse d'être placée à côté de Forain. Après le repas, je lui demandai « Avez-vous été satisfaite de votre voisin ?»« Ah, il a été charmant. Comme je lui disais, « Maître, parlez-moi de l'amour. » Il m'a répondu que l'amour, à partir d'un certain âge, c'est de l'obscénité. Je replacerai le mot. Je ne sais à quel propos on parla, à un dîner de la cave, du secret professionnel. Un médecin insista même sur le danger de confidences que l'on croit inoffensives parce qu'on dissimule le nom des intéressés. Il rappelait le cas de cet abbé qui avait dit « La première pénitente que j'ai eue s'est accusée d'avoir trompé son mari. » Et une dame, survenant quelques instants plus tard, « Ah, monsieur l'abbé, vous souvenez-vous, j'ai été votre première pénitente. » « En tout cas, poursuivit le praticien, je ne m'expose à aucun risque en vous racontant ce qui m'est arrivé dans une ville d'eau que, bien entendu, je ne vous nommerai pas. Un jour, je fis à la promenade la connaissance d'une jeune femme qui, au cours de la conversation, m'apprit qu'elle était veuve et qu'elle allait se remarier. Je m'étais mise à lui faire la cour. « Ah, pour rien au monde, me dit-elle, je ne tromperai mon mari. Si je me laisse aller à vous écouter, c'est que je suis encore libre. Il est bien entendu qu'une fois remariée, ni, c'est fini. Ne trouvez-vous pas qu'il y a là un cas curieux de subtilité féminine ?» Peu d'instants après, on frappait à la porte du magasin. C'était un de mes amis et sa femme. À peine la dame eut-elle aperçu le narrateur. « Tiens, fit-elle, quelle bonne surprise, docteur, de vous rencontrer ici !» Et, se tournant vers son mari, « Je te présente le docteur X, tu te rappelles, ce monsieur si obligeant que j'ai connu à Vichy !» La situation devenait gênante. Heureusement qu'une diversion se produisit. Deux japonaises arrivaient, Madame Itahara et sa fille adoptive, Mademoiselle Ama, qui tenait à Paris un petit restaurant où je m'étais initiée à l'anguille au caramel, à la confiture de haricots et autres spécialités nippones. J'avais demandé à ces dames de venir chanter et danser. Nous montâmes dans le magasin et, à peine étions-nous installés, qu'on frappa à la porte. C'était le chasseur du grand hôtel où était descendu un haut dignitaire japonais. Il expliqua que le prince, ce soir-là, désirait converser avec une compatriote. Et mademoiselle Ama, avec force minauderie, s'excusa de nous quitter un instant. Environ une heure après, elle nous revenait, nantie d'un important autographe qui était, nous expliqua-t-elle, une recommandation du prince pour une honorable maison de thé de Tokyo où elle serait honorablement engagée à son retour au pays des ancêtres. Madame Missia E., de retour d'une randonnée en Hollande, dînait chez moi en même temps que Renoir. Elle avait conservé de son voyage un souvenir peu agréable. Là-bas, disait-elle, les gens du peuple sont de vrais primitifs. Je portais une toilette très simple. Les femmes me considéraient comme une bête curieuse. Si je vous disais que certaines venaient me regarder sous le nez quand je passais dans la rue. Quelques-unes même allaient jusqu'à tâter l'étoffe de ma robe. Ah, oh, ces femmes avec leurs grosses joues et leurs mains rouges. Tout à fait votre affaire, Renoir. Mais, reprit Renoir, j'aime à peindre autre chose que de la grosse viande. Et puis, vous savez, la Hollande n'est pas du tout mon fait, à part Rembrandt et les quatre ou cinq grands Hollandais. Il n'avait pas si mauvais goût, Louis XIV, quand il disait devant des teniers « Enlevez-moi tous ces magots !» Et pourtant, c'est dans ce pays que j'ai trouvé le plus merveilleux des modèles, une vraie tête de vierge. Se tournant vers son voisin, le peintre Albert André, « Vous n'imaginez pas le téton de cette fille, lourd et ferme, et le joli pli au-dessous, avec une ombre dorée. J'étais si content de sa docilité et tellement enthousiaste de cette peau qui prenait si bien la lumière que je méditais d'emmener ma Hollandaise à Paris. Je me disais déjà, pourvu qu'on ne me la dépucelle pas tout de suite, et qu'elle conserve ce teint de pêche. Je dis donc à sa mère, qui me paraissait la surveiller étroitement, que si elle voulait la laisser venir avec moi, je prenais l'engagement de veiller à ce que les hommes ne lui courent pas après. Mais alors, qu'est-ce qu'elle irait faire à Paris si vous l'empêchez de travailler ? Me demanda cette mère vigilante. J'appris ainsi quel était le genre de travail de ma vierge, quand elle ne posait pas pour moi. Il y a vraiment des faits qui sont surnaturels, dit une dame un soir à dîner. Tenez, dernièrement, mon fils, à qui je faisais une réprimande, s'était mis à me répondre. Au même moment, un violent coup de poing ébranla la porte devant laquelle il se tenait. Je reconnus là mon cher vieil ami Papus qui manifestait sa présence. Quelque temps avant sa mort, comme nous parlions de l'au-delà, il m'avait dit « Mon petit, une fois que j'aurai disparu, je continuerai à veiller sur toi. » Une des personnes présentes se tournant alors vers moi, « Dans les colonies, avec les sorciers nègres, il doit se passer des choses extraordinaires. Voyons, monsieur Volard, vous qui êtes de la Réunion. » « Ma foi, répondis-je, c'est à Paris que m'arriva une de ces aventures qui paraissent tenir de la sorcellerie. J'avais été mettre à la poste un pneumatique. Revenu un moment après, à mon magasin, que vois-je ? Le pneumatique sur ma table. J'étais pourtant bien sûr de l'avoir glissé dans la boîte. Enfin, je le reprends et vais de nouveau le mettre soigneusement à la poste. Rentré chez moi, je retrouve encore le pneumatique sur ma table. Pour le coup, je commence à m'émouvoir. Un de mes clients survient à ce moment et je lui raconte la chose. « Ne vous frappez pas, monsieur Volard, je vais aller avec vous à la poste. » Ainsi fut fait, et le pneu mis dans la boîte par mon client lui-même. Et nous revenons tranquillement rue Lafitte. « Ah, oh, elle est forte, celle-là !» fait en entrant mon client, plus troublé sans doute qu'il ne voulait en avoir l'air. Le pneumatique était toujours sur la table. « Écoutez, monsieur Volard, je vais aller seul à la poste. Vous, vous restez ici. Il faut tout de même qu'on sache comment ce NDD de pneumatique s'y prend pour revenir. » Et le voilà parti. Quand il me rejoignit au magasin, le pneumatique n'était pas là. Ah, je crois que cette fois, il ne reviendra plus. Au même instant, la porte s'ouvre. On entend un « Vous dérangez pas ?» C'était mon pneumatique qui revenait, apporté par un petit télégraphiste. « C'est la quatrième fois que vous me faites courir. Vous ne savez donc pas que les pneumatiques ne vont pas à Meudon ? Heureusement qu'il y avait votre nom sur l'enveloppe. » Mon récit avait été écouté avec une attention polie, mais je n'étais pas sans m'être aperçu que je décevais quelque peu mon auditoire. On s'attendait évidemment à quelques scènes de magie, où l'on eût vu, par exemple, un sorcier nègre faire passer l'âme d'une vierge dans le corps d'un bouc et vice-versa. Cézanne venait rarement à la cave. Il ne sortait guère. Un jour que nous dînions tous deux, je lui parlai de je ne sais quel fait divers que j'avais lu dans le journal. Soudain, il mit la main sur mon bras. Ma bonne étant sortie de la salle à manger, « Je vous ai arrêté, dit Cézanne, car ce que vous disiez n'était pas convenable devant une jeune fille. »« Quelle jeune fille ? » fis-je tout étonné. « Eh bien, la bonne. Mais elle connaît très bien tout ça. Vous pouvez même être sûr qu'elle en sait plus que nous. » »« Ça se peut, mais il vaut mieux que nous fassions semblant d'ignorer qu'elle le sait. » Degas, lui, ne se serait pas même aperçu de la présence d'une domestique. Ce qu'il cherchait à rendre dans ses études de femme, c'était certains gestes. Et il ne trouvait pas ces gestes-là chez une servante. Un jour, que je lui parlais de sa vieille Zoé, il me dit « Mais vous aussi, Volard, vous avez une vieille bonne. »« Vieille ? Elle n'a pas beaucoup plus de 20 ans. »« Ah ! » Une toile de Bonnard représente un dîner dans la cave. On voit là Forain, Redon, le comte Kessler et quelques dames. On y voit aussi un homme à l'aspect sévère. C'était un industriel établi dans l'Inde française. « Vous n'avez pas l'air content, lui dis-je, voyant son air renfrogné. « Je suis ulcéré. C'est à vous dégoûter d'être républicain. Me traiter ainsi, un vieux lutteur comme moi? Qu'est-ce qu'on vous a donc fait? Ce qu'on m'a fait? À la veille de la session de notre Conseil général de l'Inde, sur les 25 membres dont se composait le Conseil, 12 républicains, 12 réactionnaires. Le 25e, un indépendant, resté douteux. Je réussis à m'assurer sa voix. Du coup, la réaction mordait la poussière. Mais vous allez voir tout le mal que j'ai eu pour conserver la majorité aux nôtres. J'avais enfermé mon homme chez moi pour qu'il n'aille pas se vendre à nos adversaires. Mais le bougre trouva le moyen de s'échapper. Toute la nuit, un nerf de bœuf d'une main et une lanterne de l'autre, il me fallut courir la ville à sa recherche. Au matin, je n'en pouvais plus, mais j'avais remis la main sur mon fugitif. Voilà ce que la République me doit, et voilà ce qu'elle m'a donné. Et, de l'index, il montra le revers de son veston qui s'ornait des palmes académiques. À votre place, pour leur donner une leçon, je ne la porterai pas, cette décoration. Ne pas la porter? Un ruban qui m'a coûté 200 roupies? 200 roupies pour acheter une voix? Matin? Vous trouvez que c'est cher? Mais ces 200 roupies, mon homme me les devait, vous comprenez? Un jour, à déjeuner, un de mes invités ne cessait de remuer. Tout à coup, les deux pieds de derrière de sa chaise s'enfoncèrent dans un grand tableau posé contre le mur. Tout confus, il se répandit en excuses. « Ce n'est rien, dis-je. » Et le déjeuner continua, sans qu'à un seul moment je montrasse de l'humeur. Quand le maladroit se retira, il se confondit de nouveau en regrets, et je lui répétai « Mais ce n'est rien, voyons. » Après son départ, une des dames présentes me dit « Vous avez été admirable. Comment avez-vous pu si bien vous contenir ?»« Oh, ça m'a été facile. Le tableau n'est pas à moi. » J'avais d'ailleurs mis en garde le propriétaire de la toile. Quand il vint me demander de l'exposer, je le prévins que je n'avais pas de place pour l'accrocher. Avec indifférence, il posa la toile contre ce mur. « Ah bien, fis-je, comme ça, pour être exposée, elle l'est bien. Vous verrez, elle aura un accident. »« Oh, un tableau qu'on crève, me répondit-il, ça n'arrive jamais. Tous les chefs-d'œuvre qui ont traversé intacts les révolutions, les guerres, les expositions. » Quand mon homme revint pour reprendre son bien, je lui montrai le dégât. Il regarda le tableau, puis me regarda. « Ah, par exemple, ça, c'est épatant. Je vois que vous prenez la chose du bon côté. Dame, le tableau est assuré. » Lorsque des peintres parlent peinture, les dames ne sont pas les moins attentives à les écouter. Des conversations de cette sorte étaient naturellement courantes dans la cave. « Monet est un grec !» s'écriait, par exemple, le peintre K.X. Roussel. Et, comme on lui demandait ce qu'il entendait par là, « Je veux parler de la pureté de son art. Monet regarde la nature avec le même œil ingénu qu'un contemporain de Praxitèle. J'avoue avoir une certaine prédilection pour les paysages de Renoir, fit alors Odilon Redon. Quand Renoir peint des arbres, on sait tout de suite quels sont ces arbres. Dans une petite toile qui est en montre chez Durand Ruel, il y a une haie d'églantine, on aimerait s'asseoir à côté. Monet, lui, c'est surtout la recherche de l'effet d'une couleur mise à côté d'une autre couleur. Mais s'il y a des tons qui changent dans ces toiles... » Redon se tut, comme gêné. Sa modestie s'accommodait mal de porter publiquement un jugement sur un confrère. Le nom de Delacroix était venu dans la conversation. « L'avez-vous connu, monsieur Redon ? » demandai-je. « Seulement de vue. Il m'est arrivé de le rencontrer quelquefois, notamment un soir au bal de l'hôtel de ville. « Comment, fit quelqu'un, peut-on aimer également Delacroix et Ingres? Delacroix si plein de fougue, et Ingre si froid. « La froideur d'Ingre !» riposta Bénard. « Mais Ingre, c'est la fougue même, une passion contenue, comme si elle allait faire explosion. » Un soir, avant de descendre dîner, mes invités regardaient des Cézannes. Ce paysan, trancha Forain, il pue des pieds. Degas s'était arrêté devant une autre toile du peintre, une maison blanche dans les environs de Marseille. Quelle noblesse là-dedans, voilà qui nous change de Pissarro. Allons, Degas, fit quelqu'un. Ne vous rappelez-vous pas qu'étant chez Durand-Ruel, vous-même m'avez conduit devant un Pissarro, des paysannes repiquant des choux, et que vous trouviez ça joliment bien. « Oui, mais c'était avant l'affaire Dreyfus, » fit Degas. De telles boutades étaient familières au peintre. Comme cette fois où je le voyais à une exposition de Claude Monet, mettant ses lunettes. « Ce soleil dans la rivière m'aveugle. Voyons, est-ce qu'Ingres transportait son chevalet sur les grands chemins ?»« Mais, monsieur Degas, lui dis-je, Renoir, tout comme Claude Monet, ne travaille-t-il pas dehors ?»« Renoir, lui, peut faire tout ce qu'il veut. Vous avez déjà vu un chat qui joue avec des pelotes de soie multicolores ?» Si les impressionnistes ne trouvaient pas toujours facilement grâce devant Degas, par contre, il s'intéressait aux recherches des jeunes. Un jour, passant près d'un grand panneau de K.X. Roussel, son triomphe de Bacchus, que M. Morozov de Moscou venait de m'acheter, Degas s'arrêta et se mit à caresser la toile de la main. « Qui a fait cela ?»« Xavier Roussel. »« C'est noble. »« J'ai vu tantôt, continua-t-il, en passant chez Durand-Ruel, une exposition d'Albert André. Il y avait là des natures mortes avec des fonds très joliment nuancés. » Cézanne, lui aussi, s'intéressait aux jeunes. Feuilletant un jour le Parallèlement de Verlaine que Bonnard m'avait illustré, « De qui est-ce ? C'est dessiné dans la forme ?» Les peintres qui fréquentaient la cave se connaissaient généralement entre eux, mais il n'en était pas toujours ainsi des autres invités. Or, un jour que j'avais été retenu au dehors, mes convives se trouvaient là avant moi, et il arriva qu'ils étaient tous des inconnus les uns pour les autres. Interprétant l'embarras commun, Forain, désignant deux fétiches des îles Marquises qui se dressaient de chaque côté de la porte, « Ces deux-là, au moins, ils se connaissent. » Il y avait à dîner ce soir-là une nordique. Un crayon à la main, elle notait soigneusement les réflexions qu'elle entendait. Je vois, tout à coup, son crayon s'arrêter. Comme on parlait d'une coiffure nouvelle, Renoir s'était écrié. « C'est extraordinaire, toutes les conneries que les femmes peuvent se mettre sur la tête !» La nordique, s'étant penchée vers son voisin, « Le maître a dit « connerie », c'est bien par un cas que cela s'écrit. » Rodin est venu une fois dîner dans la cave. Je le vois encore regardant avec attention une statuette de Mayol posée sur le rebord du manteau de la cheminée. La présence de Rodin avait tout naturellement amené la conversation sur la sculpture. « Si nous ne vous avions pas, maître, fit quelqu'un, la sculpture aujourd'hui ?»« Et celui-là, donc ?» riposta Rodin en montrant le Mayol. Le comte Isaac de Camondo avait entendu parler de la cave. Le lieu l'attirait par le côté parisien qu'il lui attribuait, mais il devait la tenir pour un endroit un peu bohème. Il lui arriva pourtant d'y descendre. Rencontrant Claude Monet au magasin, « Si nous allions voir la cave de Vollard, » suggéra le célèbre banquier. Je ne sais pas au juste ce qu'il pensait y découvrir. Il ne trouva qu'un mur humide, et il ne demanda jamais plus à retourner dans la cave. J'eus, un jour, le plaisir d'y avoir Gervex. J'avais fait sa connaissance chez Henri Dumont, le peintre de fleurs, à un déjeuner qu'égayaient les souvenirs de la spirituelle comédienne Hélène André. Comme Gervex, qui avait des manières très camarades, faisait allusion à la cave, je crus lui être agréable en l'invitant à déjeuner. Pendant le repas, il vanta la sculpture de Dardé, une nouvelle étoile du salon du Champ de Mars. « On en parle, disait-il, autant que de Rostand quand il fit jouer Cyrano. Tous les sculpteurs chez nous font la gueule. » Le douanier Rousseau, que j'avais aussi à déjeuner ce jour-là, n'avait pas dit un seul mot pendant tout le repas. À la fin, il tira de sa poche un petit carnet et se mit à dessiner. « Ça fait épatant, monsieur Volard, les murs blancs et les gens éclairés comme ça. Ah, si je pouvais arriver à faire un tableau qui rende bien cet effet-là !» Rousseau partit, Gervex me demanda. « Qui est-ce ? J'ai mal entendu le nom que vous m'avez dit. C'est Henri Rousseau. » Et voyant que ce nom était inconnu de Gervex, « Vous ne connaissez pas le douanier Rousseau ?» Gervex paraissait de plus en plus intrigué. « Vous savez bien ce douanier qui s'est mis à faire de la peinture ?»« Et il expose ?»« Oui, aux indépendants. » »« Oh oh !» s'exclama Gervex. « Ce salon où l'on a vu la toile qu'un âne avait peinte en remuant sa queue qu'on trempait dans de la couleur. » Et, se levant, « J'ai séance à l'académie. » Nous étions remontés dans le magasin. Au moment où Gervex allait prendre congé, une femme qui promenait son chien sur le trottoir d'en face, l'apercevant, traversa la rue et entra chez moi. Je l'avais reconnue tout de suite à sa tournure un peu masculine. C'était Madame Louise Abema. « Il vient de m'arriver quelque chose de pas ordinaire, » dit-elle à Gervex. J'avais appris qu'on venait de vendre à l'hôtel Drouot une de mes toiles que j'aime particulièrement, un arrangement de fleurs. Je m'informai du nom de l'acheteur. C'était une cantatrice assez connue. Je me rendis chez elle. On me fit entrer au salon. Et qu'est-ce que je vois ? Mon tableau, dans un magnifique cadre, et à la place de ma signature qui avait été effacée, il y avait Lina à son gros Jojo. Au même instant, Jojo arrivait. « Je vois que vous aimez la peinture, » me dit-il. « Un expert m'affirmait encore hier que cette toile valait un Louise Abema. » À ce moment, deux de mes clients entraient. Monsieur Gervex et Madame Louise Abema me quittèrent, et c'est ainsi que je ne sus pas comment s'était terminée cette comique aventure. Quand je me reporte à ces temps lointains de la cave, je pense à deux jeunes écrivains qui devaient mourir prématurément, Alfred Jarry et Guillaume Apollinaire. Pendant la guerre, j'étais allé à l'hôpital voir le sous-lieutenant Apollinaire blessé. Pour arriver jusqu'à sa chambre, j'avais à traverser la salle commune. Un nègre aveugle était conduit à travers des rangées de lits inoccupés. Devant chaque lit, on l'arrêtait. Son guide lui faisait un petit discours qu'il écoutait avec une visible satisfaction. Très intrigué, je m'informai, et voici ce que j'appris. Ce nègre avait reçu dans la tête une balle qui l'avait rendu aveugle, et sa cécité lui causait un désespoir que rien ne parvenait à calmer. Un infirmier se dit qu'en lui parlant des plus malheureux que lui, on arriverait à le consoler. C'est ainsi qu'on lui faisait passer, si j'ose dire, cette revue des lits. Et, devant chaque malade supposé, « Ici, lui expliquait son conducteur, il y a un aveugle qui a perdu une jambe. Celui-là n'a plus de bras. » De membres coupés en membres coupés, on arrivait à un dernier lit. « Celui-là, disait l'infirmier, il ne lui reste que le tronc. » Et le nègre, palpant ses bras et ses jambes. « Il y a bon, » disait-il. Apollinaire avait comme voisin de lit deux jeunes lieutenants de son régiment. Un caporal infirmier survint. « Vous me demanderez une purge orissin, » dit l'un des officiers. « Il me faut un ordre écrit du major, mon lieutenant. Sans cela, je n'y couperai pas de mes 4 jours. L'orissin, c'est pour la troupe. » « Eh bien, » fit l'officier, « donnez-moi alors des sels de fruits. » À ce mot de sels de fruits, le caporal infirmier, joignant les talons et faisant le salut militaire, « Les sels de fruits, c'est pour messieurs les généraux, pour messieurs les lieutenants, capitaines, commandants, colonels, c'est la limonade purgative. » Et il déposa sur la table un petit livre qu'il venait de consulter. L'ayant ouvert machinalement, je tombai sur l'article « Literie » et je vis que, pour messieurs les officiers généraux, les draps de lit doivent être changés tous les 30 jours. Un nota bene indiquait que tous les mois, y compris celui de février, doivent être comptés comme ayant 30 jours. La dernière fois que je revis Apollinaire, c'était après la guerre, pendant l'épidémie de grippe espagnole. Il avait sous le bras une bouteille de rhum. « Avec ça, me dit-il, je me moque de l'épidémie. » La grippe espagnole releva le défi. 2 jours après, elle emportait le poète. Alfred Jarry, sa tournure d'esprit devait faire sur moi une si forte impression que, 25 ans après sa pièce du Burroi, j'étais amené à écrire les réincarnations du père Ubu. Il n'y eut pas plus noble figure d'homme de lettres que Jarry. Très pauvre, il ne faisait jamais étalage de sa misère, évitant même ceux qu'il soupçonnait capables de s'intéresser à lui. Et combien scrupuleux! Je me rappelle l'avoir rencontré, un jour, se rendant chez un abonné d'une petite revue qu'il dirigeait pour lui restituer la somme d'1,50 € reçue en trop. Il était pour cela venu de Corbeil à bicyclette. Pendant la belle saison, l'écrivain demeurait à Corbeil, dans une cabane qu'il s'était construite et où il vivait principalement de sa pêche. Il venait à Paris sur une bicyclette qui, avec un revolver, était le seul bien qui lui resta d'un modeste héritage dissipé très vite et fastueusement. Quand un piéton ne l'avait pas entendu venir, Jarry, arrivé à sa hauteur, tirait au passage un coup de pistolet. « Mais Jarry, lui disait-on, si un de ceux-là l'avait mal pris !»« Oh !» expliquait l'auteur du père Ubu. « Avant qu'il eût le temps de se reconnaître, j'étais déjà loin. Et puis, voyons, en donnant à cet homme l'illusion d'avoir été attaqué, je lui fournis matière à belles histoires. » Qu'il pourra raconter à ses amis et connaissances. » À la fin de l'été, Jarry quittait l'espèce d'ermitage qu'il habitait et qu'il avait toujours l'espoir de changer en une tour bâtie de ses propres mains. C'est à Paris qu'il prenait ses quartiers d'hiver. La première fois que j'allais chez l'écrivain, dans une rue avoisinant Saint-Germain-des-Prés, ce fut pour lui demander, en vue d'un ouvrage que je préparais, son avis sur une inscription latine, car Jarry était un humaniste de première force. Quand j'arrivais devant la porte de son logis, une porte basse au milieu de l'escalier, je sonnais, persuadé qu'une autre porte que je n'avais pas su voir allait s'ouvrir. Ce fut la petite porte qui s'entrebâilla. La hauteur du battant m'arrivait à la poitrine. « Baissez-vous, que je vois qui vous êtes !» dit une voix à l'intérieur. Et, me reconnaissant, Jarry m'invita à entrer avec cette recommandation. « Gare au plafond !» Une fois dans la pièce où j'avais pénétré en me courbant en deux, j'observai que les cheveux de Jarry, qu'il portait alors taillés en brosse, avaient les extrémités toutes blanches. Je ne tardais pas à comprendre que ce blanc provenait du plafond, assez élevé pour ne pas gêner Jarry, mais d'une hauteur insuffisante pour que ses cheveux n'en raclassent pas le plâtre. Jarry m'expliqua que son propriétaire avait partagé horizontalement en deux un appartement à l'usage des locataires de petite taille. L'auteur du bureau habitait là, avec deux chats et un hibou. L'oiseau aussi, si je m'en souviens bien, avait le sommet de la tête tout blanc, car, sans cesse sur l'épaule de son maître, lorsque celui-ci allait et venait dans l'appartement, le hibou balayait le plafond de sa huppe. J'ai parlé plus haut du scrupule que Jarry avait de ne rien devoir à personne. De même, s'il lui arrivait de causer un tort à quelqu'un, il fallait qu'il le réparât aussitôt. Ainsi, un jour qu'il s'exerçait au pistolet contre une haie, une femme surgit. « Mais monsieur, mon enfant qui est là à jouer, vous allez me le tuer !» Alors, Jarry, « Madame, nous vous en ferons un autre, un continent. » « Ne seriez-vous pas heureux d'avoir les palmes académiques ?» me dit un soir à dîner la femme d'un de mes clients. « Mon mari a un ami qui a le bras long aux beaux-arts. » « J'en serais enchanté, » répondis-je, « mais pour mon goût, je préférerais le mérite agricole. »« Le poireau ? Pourquoi ?»« Voici. Je suis quelquefois invité à déjeuner à la campagne chez un ami qui a une femme très jolie, ma foi. Comme les légumes viennent du jardin, pour faire honneur à la maîtresse de maison, je donne mon avis, un avis toujours flatteur, sur ce qu'on sert. » Et un professeur d'agriculture, qui fréquente là aussi, ne cesse de me contredire. Ce ne sont pas des navets, mais des raves. Ou bien, ce n'est pas du pissenlit, mais de la mâche. Bref, il me colle tout le temps. Si j'avais le poireau, j'acquerrais un titre à sa considération. Ou, en tout cas, un droit à son silence. « Eh bien, » me répond Madame B., vous pouvez considérer que vous avez votre décoration. » Quelques jours plus tard, l'aimable dame me téléphona. « Vous savez, cela ne marche pas du tout, votre poireau. Au ministère de l'Agriculture, on a dit. Est-ce parce que vos lards vendent des natures mortes qu'ils s'imaginent qu'on doive le décorer du poireau ?»« Mais, » continua Madame B., « il y a d'autres décorations. » D'abord, les palmes académiques que je vous ai proposées. Il y a aussi le Cambodge, le Nicham. Je choisis les palmes. Et, quelque temps après, j'étais convoqué à la mairie de mon arrondissement pour l'enquête d'usage. Nous étions une dizaine de candidats, assis autour d'une table. L'heure du déjeuner approchait. L'adjoint au maire nous interrogeait rapidement l'un après l'autre. « Pour qui votez-vous ? » Il est inutile d'ajouter que les postulants ne donnaient que des noms de représentants de la majorité au Parlement. Mon tour arrivé, je répondis sans embâge que je ne votais pas. Devant l'ahurissement de l'adjoint, je m'expliquai. « Jusqu'ici, pour une raison ou pour une autre, je n'ai pu me décider. » La dernière fois, par exemple, sur deux candidats, l'un était pour la limitation des armements, et moi je suis contre, l'autre était pour la non-limitation des marchands de vin, et moi pour leur limitation stricte. Mais si vous ne votez pas, monsieur, comment osez-vous demander les palmes académiques ? C'est bien simple. La femme d'un de mes clients avait voulu me faire avoir une décoration. J'avais choisi le poireau. Mais on lui a répondu. Est-ce parce que M. Vollard vend des natures mortes qu'il s'imagine qu'on doive le décorer du poireau ? Et alors je me suis rabattu sur les palmes académiques. « Mais pourquoi aviez-vous choisi le poireau ?» me demanda l'adjoint, qui, décidément, cherchait un moyen de me coller. « Ah, je veux vous expliquer. Je suis quelquefois invité à déjeuner à la campagne, chez un ami qui a une femme très jolie, ma foi, etc. » « Monsieur, » me dit aimablement l'adjoint, « Je vous donnerai une bonne note comme humoriste, mais je ne vous cache pas que pour avoir votre décoration, il faudra être appuyé par quelqu'un ayant le bras long. » C'était mon cas, en effet. Aussi, j'étais bien tranquille là-dessus. À quelque temps de là, je reçus du peintre Pierre Laprade un mot qui lui avait été adressé par un de ses amis, attaché au cabinet du ministre de l'Instruction publique. Parmi les demandes de palmes qui avaient été mises au panier, disait celui-ci, se trouvait celle de M. Ambroise Vollard. Comme je me suis rappelé qu'il venait de faire une exposition de vous, je l'ai rétabli sur la liste. Quand les décorations parurent au journal officiel, Madame B. vint à mon magasin. Elle m'apportait dans une petite boîte les insignes de ma nouvelle dignité. Et, toute fière, quand je vous disais que notre ami avait le bras long. Chère Palme, quelle considération vous alliez me valoir, et tout de suite. Un soir, je ramenai chez elle Mademoiselle Mireille C., que j'avais rencontrée quelque temps auparavant rue Notre-Dame de Lorette. Je l'avais abordée en lui offrant de la reconduire. Quand elle fut rassurée sur mes intentions, elle n'hésita pas à me raconter son histoire. Son père avait été un officier supérieur du plus grand mérite. Malheureusement, si, en mourant, il lui léguait un nom respecté, il lui avait laissé peu de fortune. Elle me confia également qu'elle se destinait au théâtre, qu'elle avait été reçue au conservatoire et qu'elle se spécialisait dans l'emploi des ingénues. Je me félicitais grandement de m'être trouvé sur le chemin d'un tel espoir de la scène. Il n'y a qu'une chose que je n'arrivais pas à admettre, c'était un certain éclectisme qui lui faisait dire « J'adore les cigarettes et les fleurs du mal. » Ou bien encore, « Quand j'ai avec moi mon Racine et mon Dorchin, il ne manque rien pour ma nourriture spirituelle. » Mais cet éclectisme ne s'étendait pas à la sculpture. Elle n'était pas de celles qui auraient dit « J'admire Rodin et Puech ». À vrai dire, elle ne connaissait rien à la statuaire. Mais elle devait en avoir la révélation un jour que je l'avais menée au musée Grévin. « Comme c'est vivant !» s'écria-t-elle enthousiasmée. « Ah, quand on voit ça, comme on regrette de ne pas être riche !» Avoir autour de soi les êtres que l'on aime, mon pauvre mère et ma mère faisant leur petite partie de bézig sous la lampe pendant que je prépare le thé. « Et moi ?» demandai-je timidement. « Vous aussi, à côté, nous lisant du Sully Prudhomme. Mais comment les gens riches n'ont-ils pas la maison pleine de tous leurs chers disparus, ressuscités par la magie de l'art ? Tenez, ces deux-là. C'était Rodin causant avec Chéré. Peut-on imaginer quelque chose de plus parlant ? J'appris à Mademoiselle Mireille qu'un éminent sociétaire de la Comédie-Française, après la mort de ses deux enfants, les avait fait reproduire en cire. Dans la salle à manger, ils occupaient à table la même place que de leurs vivants. Ainsi, leur bon père pouvait se donner l'illusion de s'entretenir avec eux de mille choses. S'ils pensaient être des premiers dans la prochaine composition ? Et qui sait, interrompit Mademoiselle Mireille, si plus tard, grâce au progrès de la science, ils ne pourront pas participer eux-mêmes à la conversation ? Ah, quel rêve ! Avoir près de soi son père et l'entendre parler ! À ses qualités de cœur, Mademoiselle Mireille en joignait d'autres, qui faisaient d'elle le type de la jeune fille accomplie. Comme un jour je lui disais, « La jolie petite robe, le délicieux chapeau que vous avez là, mademoiselle. C'est moi-même qui les ai faits, monsieur. Mère dit qu'une jeune fille doit savoir faire ses robes. » Avec cela, gardant jalousement son quant à soi, ce qui est encore le propre d'une jeune personne bien élevée. Donc, ce soir-là, Revenant de la campagne avec mademoiselle Mireille, je pris un fiacre pour rentrer. En ces heureux temps, on ne connaissait pas encore l'auto. « Rue Lepic, » dis-je en arrêtant un cocher. « Rue Lepic, en v'là une course !» Et, tout le long du parcours, il ne cessa de maugréer. Aussi, quand nous arrivâmes à destination, je ne lui donnai que les 5 sous réglementaires du pourboire d'alors. « 5 sous de chambre !» fit-il d'un air sarcastique. Je ne répondis rien. « Qu'est-ce qu'il dit ?» s'enquit mademoiselle Mireille, qui avait déjà la main sur la sonnette de la porte. « Eh bien, ma petite dame, » reprit le cocher, « je dis 5 sous de chambre. Oh, »« Ne faites pas attention, » fis-je, prenant la parole à mon tour. « C'est une plaisanterie de cocher, cela ne signifie rien. »« Cela signifie, » reprit-elle, « que vous ne me faites pas respecter. » Et, la porte s'étant ouverte, elle me la claqua au nez. Le cocher, toujours grognant, descendit la rue Lepic au pas de son cheval. C'était également mon chemin. Apercevant 2 agents cyclistes, je leur criai « Arrêtez-le ! Arrêtez-le !» L'automédon fut immédiatement entouré et nous allâmes nous expliquer au commissariat. Au moment d'entrer, je pris le ruban que j'avais heureusement dans ma poche et l'arborai à ma boutonnière. Le commissaire n'était pas là. Nous fûmes reçus par le brigadier de service. Il me demanda le motif de ma plainte. Cet individu, au moment où je le réglais en lui remettant ses 5 sous de pourboire, m'a dit, devant la dame qui était avec moi, « 5 sous de chambre !» Le cocher jura ses grands dieux qu'il n'avait jamais dit 5 sous de chambre, mais seulement 5 sous de chance. « Eh bien, repartit le gradé, je ne vous crois pas. Parce que, comme 5 sous de chambre, c'est une chose qui ne signifie rien, si vous niez avec tant d'énergie l'avoir dite, c'est que vous êtes en faute. D'abord, montrez-moi vos papiers. » Et il lui colla 2 contraventions. Quand le cocher fut parti, le brigadier, qui n'avait cessé de lorgner mon ruban, « J'avais bien vu, monsieur, que vous étiez quelqu'un de convenable. » Thank you.